بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تم دمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى. أما بعد، donc hier on a vu que la plupart des trucs c'était les exercices. On a fait des exercices concernant la leçon numéro 5 qui est le mandat pour le mandat fédé. Donc on va corriger quelques exercices vite fait à l'oral comme ça. Exercice numéro 6, quand il dit Sahih at-tarkibati at-tariyata al-qalam al-talibi. C'est quoi le sawab? Al-qalam al-talibi. Sahih hada? Ça c'est un khata. Là. القلم الطالبي. القلم الطالبي. Donc l'erreur qui était à changer c'est quoi? Ah, pourquoi? Parce que il est mudaf al mudaf. Parmi ses règles, il prend pas de l. مجرد بالال مجرد بالتنوين. Il prend pas de تنوين, il prend pas de l. تمام? Le deuxième, باب السيارة. باب السيارة. سيارة. Pourquoi? On a vu, c'est mudaf ilay. Le mudaf ilay, il a toujours une kasra à la fin. Enfin, il est toujours majrour. Le troisième, il dit bintu hamidin. Hamidun. Hamidin. Kazalika, pourquoi? Parce que le mudaf, il est daiman majrour. Ar-Rasulullah. Al. Mudaf, il ne prend pas de L. Mujarrad bil L. Et à la fin, c'était I. Ismu al-Walada. Ismu al-Walada. اسمه الولد كذلك. pourquoi? parce qu'il est mudaf ilayh. ibnun al-mudarrisi. al-mudarrisi كذلك لأنه on a dit parmi les règles du mudaf il prend pas de tanwin. c'est ibnu tout de suite. ibnu. il y a pas de hamza. ah c'est juste le truc en dessous. ouais. il y a pas de hamza. d'accord. monsieur était ça. là qui va faire le 5 à l'oral. dikawin jumalan mufida bimal il-farah fi mayali. donc rempli l'espace vacant, tamam, avec le mot qui correspond, et que ça fasse une jumla mufida qui est compréhensible. Là, il dit al bayti mughlaqun, donc il veut un mudaf, tamam. Il a écrit al bayti mughlaqun. Qu'est-ce qu'il faut mettre afin compliquer pour compléter la phrase? Voilà, tu diras al babu, non, babu, babu, comme ça après. après c'est juste babu tu mets. Ah, babu al bayti mughlaqun. La porte de la maison, elle est fermée. Tu comprends la phrase et tu rajoutes le mot qu'il faut. Afin que la phrase elle soit complète. Aina, et plus tard, après l'ami, c'est Yarati. Donc il va un mudaf, parce qu'il a mis avec une kasra. Donc il faut qu'il y ait un mudaf avant. Aina, miftah, c'est Yarati. Elle est la clé de la voiture. Al-Qur'an, kitabu. Le troisième. Non, c'était pas ça. C'est Mohammed. Ah, ça. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Rasoulou. Rasoulullah. Il va mudaf, il plutôt. At-tabibi ba'idun. At-tabibi ba'idun. Qu'est-ce que tu veux mettre, par exemple? Là, il va un truc, il cherche un mudaf. At-tabibi ba'idun. Aïe, chez. Baytu at-tabibi ba'idun. Tamam. Al-Qur'anu Kitabu. Kitabullah. Il va mudaf. Khadija tu. Plus tard, Hamidin. Ou. Ou. Là, qui est c'est une fille. Ou. Ou. تمام ام حامد او اخت حامد تمام ام امي ام خديجه لا parce que là non là tu portes l'information que c'est Khadija c'est la mère de Hamid entre eux voilà on va le voir aujourd'hui non c'est même bab je crois fallait le voir avant mais Allah là, on va le mettre aujourd'hui si on veut al mubtada wal khabar celui qui porte là celui qui va avoir on va ramener une information sur lui ça s'appelle Moutadé et celui qui ramène l'information comme on va voir c'est Al-Mukhabar Bab ou Ana Al-Mudarrisi Ana Sahib Sahib Ana Sahib Al-Mudarrisi Ana Ibn Al-Mudarrisi Ana Akhu Al-Mudarrisi Ana Am Al-Mudarrisi Ana Khalu Al-Mudarrisi et l'akhir Ana Ibn Al-Mudarrisi il a dit Al-Talibi Maksourun لا كما بس سي سخيبه حكيبه لا غادي مكسوره سي حكيبه انا ابن tu as raison directement انا ابن parce que la hamza c'est une hamza al-wasl c'est pas une hamza al-qat' ايوه قلم الطالب مكسور مثل مثل قلم او نوتشوز مكتبه الطالب مكسور باب مفتوح باب المسجد مفتوح تمام خرج المدرس من المدير خرج المدرس من 3 petits points المدير qu'est-ce qu'il faut mettre pour que ce soit une jumla mufida qu'on comprenne من مكتب من مكتب من مكتب ال وباب او بيت المدير خرج المدرس من بيت المدير أو من غرفة المدير إلى آخره. donc c'était ça. يعني ça tourne autour du mudaf mudaf ilayh. et ça c'est une leçon qui est très importante. comme celle qui va venir inshallah aujourd'hui. الخبر مبتدا والخبر parce que c'est l'équivalent du fi'l avec le fa'il. c'est-à-dire que toute chose que tu vas vouloir quand tu vas vouloir parler parce que quand tu parles c'est mufid. lorsque tu parles c'est mufid. donc comment tu fais يعني dans l'arabe pour que la personne te comprenne. tu vois. et ben c'est basé sur ça. C'est basé sur quoi? Mubtada wa khabar. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dont tu vas parler, tu vas utiliser ça. Mubtada wa khabar. Donc ça, c'est une leçon. Elle est importante, d'abord. Elle est très importante, celle-là. Kazalika al-mudaf al-mudafili. Mais ça, c'est plus important encore. Parce que c'est par cette, par ce biais-là que tu vas arriver à faire des jumla mufida. C'est-à-dire qu'ils vont être compréhensibles. Et la personne, dès qu'elle va t'écouter, elle va te comprendre, tu vas lui parler, elle va comprendre. Et toi, kazalika, tu vas comprendre lorsque la personne, elle va te parler, tu vois. Et tu vas savoir comment informer une chose. D'accord? Donner renseignements sur une chose. Tu vois? Tu veux dire qu'une chose elle est ouverte, comment on dit ça, tu vois? Le bab, comment tu vas dire la porte elle est ouverte? Ces choses-là, et toute information, ça passe par Mubtada wa Khabar. Donc avant, on va lire, Inch'Allah, la leçon. Qala waffaqahu Allah, ad-darsu as-sadis, donc le sixième cours. Qala hadihi. Fa hadihi, on a comme on peut le voir, ça va être le contraire de quoi? De hadha. On a vu hadha, c'est la même chose. Le ha, tanbih, wa zihi, c'est ismu ishara. Lakin, celui-là, il est utilisé pour démontrer les choses féminines. Les choses qui sont féminines. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Là, je veux dire que ce soit un objet ou bien que ce soit un être humain. Hadihi. C'est l'inverse de hadha. Qala hadha ibn Hamidin wa hadihi bint Yasirin. Donc cette personne, celui-là, c'est le fils de Hamid et celle-ci, c'est la fille de Yasir. Donc on a dit hadihi. Tu ne peux pas dire hadha bint Yasir. Parce que là, tu es en train de montrer. T'es en train de faire une ishara, t'es en train de montrer qui une fille, bint. Donc tu diras pas hadha, tu diras hadihi. Parce qu'elle n'est pas présente. Non, elle est présente. Hadihi. Comme on avait dit hadha, quand tu veux montrer une chose qui est proche, voilà, tu dis hadha. Maintenant tu dis hadha, al-akh jalisun. Donc je montre cette personne-là. Si ça aurait été une femme, tu dis hadihi. Tu peux pas dire hadha. Pour une chose qui est proche. La même chose que hadha, sauf que c'est pour le féminin. Bas. قال ابن حامد جالس وبنت ياسر واقفة. On va voir. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il faut accorder. T'as? Ibn Hamid n'a pas dit jalisatun. Parce que là, c'est quoi? C'est un homme. C'est, je veux dire, c'est un homme dont on parle. Ou du genre, Tamam masculin. Amma lorsqu'on a parlé d'une fille, il a dit quoi? Bintu Yasin, waqifatun. Il n'a pas dit waqifun. Donc on va voir aussi Kadalika. C'est parmi les règles avec le Mubtada et le Khabar, il faut que ça s'accorde en genre et en nombre. Qala man hadhihi. Maintenant on a pu le voir. Hadhihi, ça va venir. Hadhihi ukhtul muhandisi. Mudaf wa munafili. Ahiya aydan muhandisa. Est-ce qu'elle est aussi Kadalika? Elle est ingénieure. La hiya tabibatun. C'est un médecin. Sayyaratun man hadhihi. À qui appartient cette voiture? Donc là, il a utilisé la lection. Hasayyaratu men. Parce que là, on ignore c'est qui la personne. Si jamais ce serait, on a un chèque, on aurait dit Assayyarat Hamidin Hadihi. C'est féminin, masculin. De quoi? C'est féminin. Parce qu'il y a un thème marbouta là. Sayyaratu. Assayyaratu Hamidin Hadihi. Si j'ai un doute, est-ce que la voiture appartient à Hamidin? Amma là, je ne sais pas à qui elle appartient. Donc j'utilise men. Pour que ça englobe, yani, mon ignorance, l'ignorance que j'ai, tu vois, c'est pas une personne qui est bien précise. قال هذه سيارة مديري. Donc c'est la voiture du directeur. ما هذه? Qu'est-ce que cela? On me démontre une chose qui est féminin. قال هذه مكوات. C'est un phare passé. هذه أذن. وهذه عين. Donc أذن c'est l'oreille, ceci est une oreille, ceci est un œil. Dans l'arabe, il faut savoir que les parties du corps, tout ce qui est en double, c'est féminin. Tout ce qui est en double. Les yeux, féminin. Maintenant, le nez, tu ne peux pas dire « hadhihi anf », tu dis « hadha ». La bouche, « kadhalika ». Les mains, tu dis « hadhihi yad ». Les pieds, « hadhihi musallam wa rahmatullah ».« Hadhihi rijl ». Il a dit « hadhihi udhunun ». « Wa hadhihi aynun ». « Wa hadhihi yadun ». وهذه رجل الرجل يعني سيرة فيه خلاص. Donc la leçon on parle beaucoup sur هذه. Le nouveau vocabulaire واقفة c'est juste sur ajouter un thème arbota, c'est quelqu'un qui est debout. مهندسة مهندسة c'est l'ingénieur, mais sauf que là c'est une femme parce qu'il a ajouté un thème arbota. طبيبة كذلك طبيب on a pu le voir, là t'as ajouté un thème arbota, là c'est féminin. مكواتون ça c'est nouveau, ça a repassé. Le nouveau catalka, Ozon. Wa'inun, Wa'yed, Warij. Mais tous les hadiths, elles sont marouf. On les suit beaucoup, on les connaît. Et après, peut-être qu'il y en a dans le vocabulaire. Ah, c'est pas fini. Ah. Qala liman hadihi. À qui appartient cela? Liman hadihi. Qala hadihi li Khalidin. À qui appartient cela? Liman. Yani le milk. La possession, il demande. Liman, comme on a pu le voir. Avec le idrafa, le taqdir, le harf, le jar qui peut être sous-entendu, ça peut être l'am. Et l'am, on avait dit, il a deux sens, soit le tamlik, ou soit la possession, soit la possession, ou soit l'ikhtisas. Le fait spécialiser une chose. Qala hadhihi li Khalidin. Donc c'est le sac, wallah alam, un cartable, il appartient à Khalid. Adarwajatu anasin hadhihi. Est-ce que ce vélo appartient, ou cette bicyclette appartient à Anas? لا هذه دراجة عمار هذه جديدة. Non, ceci ou plutôt cela est le vélo thème d'Ammar et il est nouveau. دراجة أنس قديمة. Et le vélo de Anas il est plus ancien ou l'ancien. قال هذه ساعة نعم هذه ساعة علي و نعم هي جميلة جدا. Donc ceci est la montre d'Ali et elle est très belle. Jamilatun belle, jiddan c'est pour appuyer. Très belle. Qala hadhihi mil'aqatun wa hadhihi qidrun. Ceci est une cuillère et ceci est un marmite. Qala al-mil'aqatu fil qidri. Donc la mil'aqa, c'est-à-dire la cuillère, elle est dans la marmite. Qala hadhihi baqaratul fallahi. Ceci est la vache du paysan, al-fallah, c'est le paysan. قال هذا أنف. شوف, il a dit هذا, il a pas dit هذه. Pourquoi? Parce que c'est pas doublé. وهذا فم كذلك. Il a pas dit هذه. La bouche. والأنف c'est le nez. Donc ça c'est par rapport au texte. Hein. On va tirer trois choses de ce texte-là. Ou plusieurs, c'est que la première des choses, comme là j'ai écrit, donc la leçon a tourne beaucoup autour de quoi? De hadhihi. Donc comme je dis, hadhihi kalimatun mukawwanatun minha. التنبيهية donc le ha pour attirer l'intention, pour attirer l'intention. La même chose que avec avec هذا وذه وذه ذه ذه tu dis ha ذه jamais tu t'arrêtes هذه tu prononces pas le nom وذه comme j'ai marqué اسم إشارة donc pronom démonstratif للمؤنث المفرد et le كل là هذه le كل il est utilisé pour la même chose que هذا sauf que tu changes المؤنث tu changes je veux dire le, c'est utilisé pour le masculin le féminin singulier هذه c'est pour le féminin singulier la même chose que هذا sauf que tu changes ça féminin singulier donc c'est utilisé pour une chose qui est proche à partir du moment où on a mis le ha on a vu le ha c'est pour une chose disent que c'est juste pour bien appuyer l'intention à quelqu'un même si la chose elle est loin elle est lointaine tu vois. La kulli hal ce qui est ma'rouf c'est que c'est utilisé pour une chose qui est proche tu démontres une chose qui est proche et qui est féminin du genre féminin le hadhi le kul en fait là on a décomposé c'est composé de ça et ça mais le tout hadhi c'est ismu ishara lil mu'annath al mufradati al qariba pour une chose qui est proche féminin singulier maintenant le cartable là si jamais je veux démontrer je dirais هذه حقيبته هذه حقيبته تمام le portable je dirais هذا je peux pas dire هذه هذا جوال تمام pourquoi parce que c'est féminin c'est masculin je veux dire تمام كذلك القلم je peux pas dire هذه هذه قلم لا لأن القلم même s'il est proche même si je suis en train de le montrer لكن là c'est genre masculin donc j'ai utilisé هذا la même chose sauf que lorsque tu veux démontrer une chose féminin, du genre féminin هذه et هذا pour une chose qui est masculine تمام on a vu aussi كذلك le لم lorsqu'il dit لمن هذه تمام comme j'ai dit la لم ça c'est un harf jar تمام ça veut dire ce qui va suivre derrière il va être automatiquement majrour تمام donc là ça fait le cinquième harf يعني jar qu'on a pu voir on a vu fi on a vu min على ensuite on a vu min et إلى تمام في على من إلى إلي تمام إلي تمام سلام لا دونك حرف الجر كما نادي لها معاني كل حروف الجر ils ont plein de معاني ils ont plein de معاني ils ont énormément mais le plus souvent il est utilisé pour التملك والاختصاص التملك jamais la chose on peut la qualifier comme étant capable de posséder et l'اختصاص jamais elle n'est pas capable مثلا باب المسجد le harf jar مقدر هنا c'est لم مثلا je vais dire هذا الباب للمسجد c'est pas le masjid il possède pas ce on l'a particularisé comme on a pu le voir donc il a plusieurs sens mais parmi ces sens là c'est pour affirmer ou pour apporter la possession que la personne a possède ce chose لمن هذه presque comme le lit celui-là comme quel lit c'est le lit c'est le lit waouh c'est le lit j'ai oublié l'écran en dessous c'est tout sinon c'est le lit c'est la même chose c'est la même chose c'est pas la même chose c'est هو donc li liman hadhihi مثلا je veux dire ce sac là il a qui liman hadhihi j'ai plusieurs manières de le faire liman hadhihi ou je dis haqibatu man hadhihi haqibatu man hadhihi ou bien je dis liman hadhihi c'est ma'ruf le Coran tu vois je dis liman hadhihi c'est ma'ruf عندنا j'ai pas besoin de citer al haqiba parce que le fait que je suis en train de faire une ishara c'est que c'est sous-entendu que tu comprends yani, la chose que ou tu connais la chose que je suis en train de démontrer. Liman hadhihi, j'ai pas besoin de marquer de dire liman hadhihi al haqiba. خلاص, le fait que j'ai montré ça suffit ou bien ça remplace le fait que tu dis haqiba. Tam, amma yani il y a pas de démontrer, tu démontres pas cette chose-là, haqiba tu man hadhihi. Tam, haqiba tu man hadhihi. Tam. Amma li, les deux c'est la même chose. Et dans les deux formulations, tu demandes quoi à qui appartient ce sac là, tamam? Donc ça c'est simple. Après, Inch'Allah, copiez ça, Inch'Allah, après on va rentrer dans Mubtada wal Khabar. Le gros point c'est Mubtada wal Khabar. Donc le Mubtada, comme on a dit ici, c'est l'Umda. Allati yukhbaru anha. C'est-à-dire que l'Umda c'est la pièce maîtresse dans la phrase. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'en passer d'elle. Pour que tu puisses apporter une information, yani c'est la pièce maîtresse, on va dire comme ça, ou la chose sur laquelle va yani, se baser l'information que tu vas apporter sur une chose. مثلا je vais prendre je vais dire Mohamed واقفون تمام là je suis en train de porter j'ai ramené l'information quelqu'un que Mohammed il est quoi? Il est debout. Ça? Mohammed. Waqifun. Là, là, j'ai ramené là, j'ai porté l'information sur Mohammed qu'il est debout. Le fait de faire ça, là, c'est-à-dire la personne ou la chose qui est la pièce maîtresse, pourquoi j'ai dit pièce maîtresse? Parce que si jamais tu venais enlever ça, tu comprends rien du tout. Waqifun. C'est-à-dire, quand on a dit umda, c'est une chose que tu ne peux pas supprimer. C'est ça, umda. Comprends-le comme ça. Tu vois, au lieu que le mot pièce maîtresse, là, ou la chose qui, sur laquelle elle appuie la phrase. Al-umda, c'est quoi? C'est la chose que tu ne peux pas supprimer dans la phrase. Excepté s'il y a un dalil qui prouve. S'il y a une chose qui montre que, qui est sous-entendue, qui va le faire sous-entendre, là, ben, c'est m'affiché, tu vois. Mais si jamais on n'a rien comme indice qui va nous prouver qu'il a été supprimé, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas supprimer. Si jamais tu la supprimes, là, tu es en train d'apporter une information sur qui? Sur personne, dans le vent. Waqifun. Si je viens devant toi, je te dis waqifun. Tu vas dire men. Men waqifun, ça. Tu vas demander c'est qui la personne qui est debout. Donc ça, c'est, quand il dit ça, là, yani huwa al-umda, la chose que tu ne peux pas supprimer dans la phrase, t'as même. Allati, donc la celle qui est, ani yukhbaru anha. Yukhbar, c'est-à-dire à qui elle est portée l'information. T'as même. Ça, c'est le mubtada. Il a été appelé mubtada, pourquoi? Parce qu'il y a ni yabtadi'o. Par lui, on commence la phrase. T'as même, mubtada, ça vient de ba-da-a. Ba-da-a, c'est le fait de commencer. T'as même. Donc pourquoi il a appelé comme ça? Il a été appelé comme ça parce qu'on débute dans la phrase. Mais comme on va le voir, ça c'est l'asl dans le truc, tu vois. Dans le mubtada, c'est qui débute la phrase. Il peut avoir des exceptions, et ça vient inchallah plus tard, ou ça va être inversé. Le khabar va venir avant et le mubtada après. À la kulaha, ça c'est vous allez voir plus tard. Hein. C'est pour juste pour vous mettre dans la tête que l'asl c'est ça, mais il peut avoir des exceptions. Pour l'instant, on n'est pas dans les cas des exceptions. Là, on est dans le cas, il y en a basique. Tu commences par le mubtada et ensuite tu fais suivre le khabar. C'est comme ça que ça marche. Comme avec le fi'l. Avec le fa'il. Tu ramènes le verbe, ensuite tu ramènes celui qui a fait l'action et celui qui a subi l'action. Si jamais il y a besoin de subir quelqu'un qui a subi l'action. T'as-même. Donc, c'est la chose qu'on ne peut pas supprimer dans la phrase et à qui l'information elle a été apportée. Al khabar, c'est quoi? Donc, ça vient de khabara, c'est l'information. Huwa ma tatimu bihi c'est celui qui va apporter l'information avec le. Il va complémenter l'information avec quoi? Le mubtada. Parce que si jamais tu enlèves le khabar, le mubtada, plutôt tu dis waqifun, il n'y a rien qui va compléter. C'est pas une chose mufid. C'est-à-dire que c'est pas une chose que. Comme ils disent, le mufid, c'est yama yarsun sukut al mutakallim min ali. C'est-à-dire que lorsque le locuteur il parle, lorsqu'il s'arrête, tu as compris. Tu vois? Sans que tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il en vient après. Si je te dis waqifun, tu me dis ah, waqifun. Tu vas demander une chose. Amal fa'ida, c'est tam. C'est-à-dire, je vais te dire une chose, tu auras compris, tu vas plus demander. Tu vas pas chercher à savoir ce qu'il y a après. Donc, parce que tu sais que yani, c'est la phrase, elle est complète et tu l'as compris. Maintenant, Muhammadun waqifun, khalas. Tu as compris que Muhammad, il est debout. Amal, je te dis waqifun, tu vas demander. C'est pas une fa'ida. À partir du moment où tu vas chercher à savoir en plus, c'est pas une faïda, tu vas dire, je comprends pas ce que tu dis, ça n'a aucun sens. C'est pas censé, t'as même. Donc c'est la chose, huwama, tatimu bihi ma'al mubtada, c'est la chose qui va avec le mubtada compléter l'information. Non, c'est pas un verbe. Là, comme tu peux. Le verbe, le non, c'est pas le verbe, parce que c'est pas comme le en français. T'as même. Maintenant, nous, quand on dit, maintenant, Muhammad waqifun, tu vas dire, Muhammad, il est debout. Tu vois, ça n'a rien à voir. En français, en arabe, tu peux exprimer la faïda de deux manières. Soit avec une jumla ismiya, une phrase nominale, ou bien une jumla fi'liya, verbale. Verbale, il faut un verbe. Ismiya, tu n'as pas besoin. Comme là, c'est le cas ici, non? Parce que tu dis Muhammadun. Et toutes ces choses-là, tenwin, ça fait, comme vous allez le voir, ça fait partie des alama, des signes qui prouvent que ce mot-là, c'est ni un harf et c'est ni un fi'l. Parce que le harf et le fi'l ne prouvent pas de tenwin. Il n'y a que l'ism. Donc les deux, c'est des asma. Ces deux-là, kadalika, lui c'est une umda, kadalika, c'est une chose que tu peux pas supprimer, excepté s'il y a un dalil. T'as même qui prouve sa suppression, qu'il a été supprimé. Je dis Muhammadun. Est-ce que c'est une faïda? Muhammadun, il n'y a pas de faïda. Muhammadun waqifun, naam. Si jamais tu le supprimes, comment tu fais pour reconnaître le mubtada? Parce qu'on va le voir, parce qu'après il y aura la sifa. Des fois, il y en a, ils sont chamboulés entre, ils n'arrivent pas à faire la différence entre le mubtada ou entre le khabar et la sifa. Et ça va venir. La différence entre les deux, c'est que la sifa, tu peux la supprimer. Et le khabar, tu ne peux pas supprimer. مثلا on va dire Enam. Mohammed, on va dire At-Tawil. Ce qui est plus connu pour At-Tawil, ça va ? Waqifun. Comment tu fais pour connaître Yani, c'est où le Mubtada et le Khabar ? Mubtada, c'est celui qui commence. Et celui, c'est celui à qui Yani, l'information, elle va tourner autour d'eux. Là, l'information ne tourne pas autour de Tawil. Elle tourne autour de Mohammed, qui est qualifié comme étant grand. Tamam. Al-An, si jamais tu n'arrives pas à différencier entre les deux, la Sifa et le Khabar. Il te suffit juste de savoir lequel des deux, lorsque tu supprimes, ça va porter un khalal. Ça va porter une chose qui n'aura plus de sens. Lequel des deux, c'est simple. T'enlèves. Maintenant, t'enlèves Waqif. Muhammadun At-Tawilu. Je te dis Muhammad le long. Est-ce que c'est une faïda ? Est-ce que c'est une faïda ? Est-ce que tu as fini ? Je veux dire, tu as compris ? Lorsqu'il dit Muhammad Tawilun ? Muhammad At-Tawilu, je veux dire. Muhammad At-Tawilu. Mohamed le Grand. Je te dis en français, Mohamed le Grand. Est-ce que tu vas me demander complète ta phrase ? Ça ? Je te dis Mohamed le Grand. Je viens devant toi, je tape à ta porte. Je te dis, ya Farid, Mohamed le Long. Tu vas me dire, Mohamed le Long quoi ? Tu vas demander encore une information. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas complète la phrase. À l'inverse, si j'enlève Tawil, je dis Mohamed ou Akifon. Je viens taper à ta porte, je dis, ya Mohamed ou Akifon. Tu vas me dire, non, tu vas comprendre. Donc ça là, juste par le fait que tu peux le supprimer, tu sais que déjà c'est pas un khabar. Parce que si jamais tu l'aurais supprimé, ça va donner à la phrase, ça va tourner le sens de la phrase, ça serait devenu insensé, on comprend rien du tout. Donc là on n'est pas dans le cadre des sifa, mais c'est juste un petit aperçu. Le khabar, tu peux pas le supprimer. Sauf si un dalil. Maintenant je vais dire, man huwa waqifun, qui est debout? Tu vas me dire, Mohamed. Là, j'ai pas ramené le khabar. Mais le khabar, il est sous-entendu. Il n'y a pas besoin là. Parce que là, on a un dalil. C'est quoi ? C'est la question qui est avant. La question qui est avant, on sait que le contexte de la phrase là, elle tourne autour de l'information qui est debout. Elle travaille aussi. Non, on a dit debout. Donc là, j'ai pas besoin de le ramener. Sahal. Si tu le ramènes là, bas, tu dis, man huwa jalisun. Tu me dis Mohamed, tu peux dire Mohamed Jalison. Mais le fait qu'on l'a déjà cité, c'est pas besoin de le ramener. Donc là, tu peux l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'il y a un dalil. Mais si jamais tu n'as aucune chose qui le précède ou qui indique cela, tu n'as pas à l'enlever. Pourquoi ? Parce que la phrase va devenir insensée. Elle ne sera pas complète. Mohamed. Tu vas demander un truc, t'as même ? Ensuite, la jumla, comme on a dit, al-jumla al-mu'allafa, c'est-à-dire celle qui est composée. La phrase qui est composée بين المبتدأ والخبر. Donc cette phrase là comment tu l'appelles dans l'arabe? On appelle ça yani tusamma, tu l'appelles ou elle s'appelle jumlatan ismiyatan. C'est une phrase nominale. L'ensemble du mubtada wal khabar, on appelle ça jumla ismiya. C'est une phrase nominale. Si vous avez compris ça, vous avez compris un khair jiddan. Après inchallah on verra ahkam. On va voir l'ahkam, ce qu'il y a des ahkam dans le mubtada wal khabar. Les deux sont marfoua. Normalement, le asl, c'est que tu viens mubtada, ensuite tu viens avec le khabar. Le mubtada, il doit être marfou et il doit être défini. Parce que tu ne peux pas apporter une information sur une chose qui est indéfinie. Une chose qui est indéfinie, si tu apportes une information dessus, ça va être. Parce que c'est indéfini, tu ne sais pas déjà. Non, Mohamedou, c'est un nom, on avait dit. C'est un prénom. C'est un prénom. Mais c'est là que tu dis Rajulun Waqifun. Rajulun Waqifun. C'est moi quelque chose. Quel homme ? Pourquoi ? Comme on a dit, la yatashawwaf, yani al-muhatab bi shay, celui à qui il lui a adressé le discours, lorsque tu auras fini ta phrase, il ne va pas dire ta phrase à l'incomplète, il ne va pas chercher à quelque chose. Si je te dis, mathalan, rajulun waqifun, il va me dire, man. Si je te dis, muhammadun waqifun, khalas, ma'arif muhammad. À part si tu ne le connais pas, mais muhammad, si je te dis, c'est que tu le connais, muhammad waqifun, khalas. Amma rajulun waqifun, tu vas me dire, qui ? Donc ça, tu peux pas faire ça. Pourquoi ? Parce que main yatim do. Tu vois ? Ça, c'est un charf. Obligé que la phrase soit complète. Lorsque tu ramènes le khabar, khalas. Il complète l'information, il complète la phrase, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de quelque chose. Une chose qui est complète, il n'a pas besoin d'ajout. Khalas. T'as même ? Et on va voir encore d'autres trucs. Kadal kafil khabar, il a un ahkam. T'as même ? Il y a plusieurs ahkam, sûrement. Mais on va suffire, il y en a des plus importants. C'est-à-dire qu'il vient après, il est toujours marfou. Et généralement, il est indéfini. Ça, Inch'Allah, on verra plus tard. Donc ça, c'est le dors d'aujourd'hui. Il y en a qui connaissent déjà ce que ça fait. Mubtada, c'est la chose qu'on ne peut pas supprimer, qui commence, qui débute la phrase, tamam. Et Naham, c'est le pivot de la phrase. C'est-à-dire l'information tourne autour de lui. Al-Khabar, c'est l'information qui va compléter la phrase. C'est-à-dire que la phrase sera complète, elle n'aura plus besoin. Et les deux, ce composé-là, il s'appelle phrase de Médan. Jumla Ismiya. Les deux ouais. L'ensemble. L'ensemble. Du Mubtada wa Khabar, ça s'appelle Jumla Ismiya. Phrase nominale. Tu vois tout ça. Tamam. D'où ? Mais par exemple, de là à là. Est-ce que maintenant, dans une phrase, il peut y avoir plusieurs Mubtada et plusieurs Khabar ? Oh, bien sûr. Ah oui. Maintenant, tu veux dire l'aya. Allahu Ahad, Allahu Samad. C'est pas des sifat. Non. Allahu. Si je te dis Allah, bas. Tu comprends? Si ça rate une sifat, tu peux l'enlever. Allahu Ahad. Huwa Allah. Al-Khaliq. Al-Bari'u. Al-Musawwir. Mubtada ila Allah, c'est huwa. Huwa. Allah. Huwa. Mubtada. Le khabar est là. Là, l'information tourne de quoi? Autour de huwa. Tout le reste, c'est des sifat. T'as informé ou t'as porté l'information de huwa, et qu'il est, c'est Allah Azza wa Jal. Et le reste, c'est sifat. Ou tu peux dire khabar, kazalika, ils disent. Khabar thani, khabar awal, khabar thani. Khabar. Si vous avez compris, خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.